pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde dans l'air et vois ce que tu peux voir. Trop petit pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre.